Africa by night. Débarqué à l'aéroport Grand Yoff à Dakar. Bonjour à mon pote papy Nangadev, à Pékin, le soir au Métropolis. Une semaine au Sénégal pour des vibes. J'irai aussi aux Timis, squatté à Sendega. Pourquoi pas Tchatchemon, Jack, Oliev. Des hausses partant, toujours d'accord pour les découvertes, les rencontres avec Taraji. Le positif, Black Soul ainsi que la copine. En ce moment, moi je vis à 100 à l'heure au rythme camerounais. J'ai pris une suite au Téléthon, au Mom Fébé à Yaoundé. Et tu as les dos. Frère, pas le temps de faire dodo. Il faut aller chercher les joints dans les cirques. Il est plus chaud, je commence à la salsa où j'écoute mon macossa. Je pose le JB sur la table et toutes les filles viennent à moi. Tu saisis de femme en femme, de verre en verre. À mon réveil, j'en trouve une dans mon lit. Comment c'est un mystère? Fini mon plat classe, tous mes CFA, ouais. Les marques qui passent, ils ont abusé. Ce soir y'a pas de rat, on dit quoi? Bon, et là je vais pas jouer les kawa, dawa. Un nec marrant, je donne des sofas. Je roule à trèche, ville, à Bobo m'appelle. Au Cody se fâche la nuit, aux deux plateaux, c'est belle. Silhouette et allongée pour les yeux. C'est chaud, son blazo, plein de coco. Oh, Africa by night. Libre avec un salopé. Oh, Africa by night. Bangui, Bamako, Yamou, Souplo. Oh, Africa by night. Yaoundé, Dakar, Cotonou. Oh, Africa by night. On a des points d'apitement de France-Coro. Île du Cap-Vert, vendredi soir à Somal. Y'a c'est plein direction Praille, rendez-vous à l'esplanade. Les vieux bédis boivent leur croque sur des airs de César. Tandis que les jeunes du quartier sont prêts pour faire la java. Oh minina, oh minina. Elles sont ravissantes et coquettes, j'sais plus où donner de la tête. Québracouk ou l'Atlantique, ce soir c'est ambiance de fête. Avant ça, j'vais à la plage au concert de Gilbert Fay. Direction étoile rouge, Russie. Non Cotonou au Bénin, coup classé. J'enchète comme un parrain, j'arrête un zénithien. Traduction. Taxi moto, stop à la gerbe d'or, avale 5 béninoises, rhum coco. La jonquée m'attend, au 2000 ans. Elle aussi a envie de tout mon argent. Angélique Kidjo résonne dans tout le pays à l'Acropole et l'Eldorado. Ouais, en Haïti, on m'a dit que j'allais boire du clairin. Y'avait des belles mamzelles, mais aussi des bousins. Des concerts au marché de fées de Tabou Combo. Tranquille. Du groupe La Rose, du groupe Missile. Voir les bad boys haïtiens au champ de masse. Éviter les hougans, gratter les grands nègres en masse. Roll to bip, je ferai des stages au canapé. Viens entre le travail, les vacances et les soirées. Oh, Africa by night. Nigeria, Liberia. Maya Maya, de retour à Braza. Après cette épopée de longue haleine, nous voilà. Ouais. À déposer nos bagages et tout de suite repartir. Ouvrir les nganas, s'engoquer la gueule jusqu'à Bombay. Honnêtement, l'ambiance de Mongali nous a quand même manqué. C'est à cœur joie que l'on va retrouver les amis du quartier. Ouais, kiffer la mer, nous baigner à pointe noire. Mieux qu'en France, nous pourrons enfin taper des pointes de noir. La nuit tombée ne sont jamais couchés. Ne sont jamais le pays est fauché. Ça n'empêche que les gens dépensent pour les pistes de danse. Que les bouteilles soient sur toutes les tables, en l'eau en abondance. Yeah. Oh, Africa by night. Les nuits africaines sont les belles. En bref, l'allégorie des dessous de la terre-mère. C'est l'allégresse omniprésente entre sœurs et frères. Oh.